Judith, qu'est-ce que t'as fait? Judith, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourtant, moi je voulais juste rire un peu, mon amour. Tu pars très loin dans les grottes de Rocamadou. Judith, tu m'as quitté. Judith, le 3 janvier. Pourtant, moi j'allais me mettre au sport, mon amour. Tu pars très loin pour épouser Mouloud Dachou. Tu vas me manquer. Judith, Judith, Judith, Judith, tu vas me manquer. Pourtant, j'avais décroché du vin blanc. Reviens-moi comme au temps des beaux jours.